Les œufs de la liberté, nous chantons sous le ciel. Les vagues qui nous appellent, l'histoire de l'archipel. Les vents nous murmurent que la liberté se fane, menacée par l'intolérance. Résistons, gardons l'espoir. La liberté fragile, comme les ailes d'un oiseau, elle vole, elle scintille, préservons son flambeau. Les matins sur les côtes, nous marchons, main dans la main, les marées, nos anecdotes, le courage comme un refrain. Sur les plages dorées, protégeons nos rêves avec une foi acharnée, chaque instant une trêve. La liberté fragile, comme les ailes d'un oiseau, elle vole, elle scintille, préservons son flambeau. La matin sur les côtes, nous marchons, main dans la main, les marées, nos anecdotes, le courage comme un refrain. Sur les plages dorées, nous protégeons nos rêves avec une foi acharnée, chaque instant une trêve. La liberté est fragile.